Alors je voudrais maintenant attirer votre attention sur l'expression de la comparaison. J'imagine que quand vous faites vos courses, vous comparez les prix. Alors deux mots vont vous être très utiles. C'est cher et bon marché. Vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas le mot dear pour traduire cher. Dear qui a l'avantage de vouloir aussi dire cher dans le sens de cher ami, etc. Il existe un autre mot pour dire cher, plus long, mais nettement plus courant, qui est expensive. E-X-P-E-N-S-I-V-E. Expensive. Quant à bon marché, pas cher, c'est cheap. C-H-E-A-P. Bien, alors comment direz-vous au sujet d'une Ferrari, c'est trop cher, en employant too. T-2-O, qui veut dire trop. It's too expensive. It's too expensive. En tout cas, pour vous et moi. Mais une Ferrari est sans aucun doute faster, plus rapide que ma voiture. Alors, vous connaissez déjà later, qui signifie plus tard, qui vient de late, qui veut dire tard. Et Michel Thomas introduisait quant à lui le mot faster pour dire plus rapide. Pour faster comme pour later, c'est la même chose. Donc, avec tous les adjectifs courts, les adjectifs d'une syllabe, comme late ou fast, il suffit d'ajouter er, ou bien r seulement s'il y a déjà un e à la fin, comme c'est le cas de late. Alors donc, il suffit d'ajouter er pour dire plus tard, plus rapide, etc. Alors, le mot pour chaud, c'est hot. Hot, c'est ça. Et donc, pour plus chaud, on dira hotter. Hotter, qui s'écrit H-O-T-E-R. Car si un adjectif est constitué d'une consonne suivie d'une voyelle suivie d'une autre consonne, comme c'est le cas de hot, alors on double la consonne finale. Donc ici, on met deux T. Hotter avec deux T. Donc si grand se dit big, B-I-G, comment dira-t-on plus grand ? Bigger. Bigger, qui s'écrit B-I-2-G-E-R. Bigger avec 2-G donc. On double la consonne finale pour les mêmes raisons que pour hotter. Alors comparons à présent deux grandes villes comme Paris et Tokyo. Comment direz-vous laquelle est plus grande ? Sachant que lequel, laquelle se dit which. W-H-I-C-H. Which is bigger? Which is bigger? Right. Et vous entendrez peut-être aussi which one is bigger? Les deux traductions sont valables. Alors j'imagine que vous serez d'accord avec moi que Tokyo est plus grand que Paris. Alors si que se traduit than, T-H-A-N, comment direz-vous Tokyo est plus grand que Paris? Tokyo is bigger than Paris. Tokyo is bigger than Paris. Donc pour dire plus grand que, on dit en anglais bigger than. T-H-A-N, than. Alors faisons une autre comparaison. Le mot pour dire auteur, c'est author. A-U-T-H-O-R. Et riche se dit rich. Ça s'écrit presque comme en français. Il suffit de supprimer le E final. Donc ça s'écrit R-I-C-H. Et nous avons déjà vu le mot queen pour dire reine. Alors, comment direz-vous l'auteur de Harry Potter est plus riche que la reine? The author of Harry Potter is richer than the queen. The author of Harry Potter is richer than the queen. Alors, le contraire de rich, c'est poor. P-2-O-R. Donc, comment dira-t-on « Elle est plus pauvre que l'auteur de Harry Potter ?» She's poorer than the author of Harry Potter. She is poorer than the author of Harry Potter. Enfin bon, elle n'est pas pauvre pour autant. Hein. C'est toujours une bonne idée d'apprendre ces adjectifs par paire. Rich et poor, expensive et cheap, hot et cold, ou encore big et son contraire small, S-M-A-2-L, qui veut donc dire petit, ou bien encore old, vieux et jeune qui se dit young. Young, qu'on avait déjà évoqué. Alors, comment direz-vous, Carole est plus jeune que Madeleine? Carole is younger than Madeleine. Carole is younger than Madeleine. Mais laquelle des deux femmes est la plus belle? C'est une question délicate et on se contentera de répondre prudemment que Madeleine est aussi belle que Carole et vice-versa. Alors, pour dire aussi que, on emploie as, as. Donc, deux fois le même petit mot as, qui s'écrit as, donc as devant, puis derrière le mot en question. Ici, beautiful. Donc, à vous d'essayer. Madeleine est aussi belle que Carole. Madeleine is as beautiful as Carole. Madeleine is as beautiful as Carole. Donc, as. C'est pour faire une comparaison d'égalité, pour dire autant que, aussi que. Donc, Madeleine is as beautiful as Carole, ou Carole is as beautiful as Madeleine, bien sûr. Alors, pour en revenir à un sujet de conversation moins délicat, comment direz-vous, il fait aussi froid qu'hier? It is as cold as yesterday. It is as cold as yesterday. Et ce n'est pas aussi ensoleillé? It's not as sunny. It's not as sunny. Sous-entendu, as yesterday. Et pour en rester au sujet de la météo, nous avions vu auparavant le mot bad, qui veut dire mauvais. Alors comment dira-t-on, le temps n'est pas aussi mauvais que la nuit dernière? The weather is not as bad as last night. The weather is not as bad as last night. Sous-entendu, as it was last night. Alors si vous n'avez pas mis the devant last night, bravo. Ça prouve que je n'ai plus besoin de vous le rappeler.